Décembre d'Europerval avec l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. C'était deux festivals offensifs, deux défaites en fin de semaine. Salut Jason! Jason, oui. Deux défaites en fin de semaine et deux fois 7 buts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a quand même pas mal joué. Là. On s'entend que 7 buts dans le junior, là, ouais. On a déjà vu pire que ça. Là, mais je pense qu'on a pas mal joué. Puis dans le premier match, on a perdu 7-4 contre les Aiglons. Puis le 7e but, c'est dans un filet désert. Ouais, OK. On s'entend que c'est pas 7 au total. On a été dans le match là jusqu'en 3e. Puis ils ont été capables. Ils se sont donné une avance de 3 buts en première période. Capable de la garder tout au long du match. On n'a jamais été capable de revenir là, okay. Dans le match. Tandis que dans le deuxième, là, contre les Marquis de Jonquière, ben, après une période, c'était 3-2 pour Jonquière. On était vraiment dans le match, on les tenait, puis on voit un excellent match. Mais en deuxième période, là, ça a été le festival de la punition pour nous autres. On a eu 7 punitions de l'heure, donc 14 minutes de punition là, sur 20. Ça a fait mal à notre équipe. On a perdu 7-2 là, après deux périodes. Puis on est revenu en troisième quand même assez fort. J'ai aimé la façon dont notre équipe a répondu là, en troisième période. On est revenu fort. On a mis ça 7-4 là, puis on est passé proche de mettre ça 7-5. Mais on a manqué okay. Le temps. Est-ce que c'est sûr que peu importe le hockey, peu importe le niveau, si tu vas au banc de punition, ça te donne pas de chance. Hein? Puis les unités spéciales, est-ce qu'il y a des choses à travailler là-dessus? Oui, c'est sûr que là, faut travailler, nous autres, là, faut travailler notre avantage numérique. Notre piqué était quand même pas si mal, là, dernièrement. C'est sûr que là, en 14 minutes de punition, là, à un moment donné, je veux pas la puck à y va, là. Okay. Mais c'est ça, là. Je pense qu'on faut travailler l'avantage numérique, un petit peu le piqué, là. Puis, d'après moi, ça va nous donner des grosses chances, là, de remporter plusieurs matchs, là. Je regarde le classement, c'est quand même très serré, hein. Comme dans la Ligue Midget, il y a une parité. Oui. Tout le monde peut battre tout le monde, là, dans le junior. Fait que ça va quand même être assez serré, là, tout au long de la saison. OK. En fin de semaine, vous affrontez les Éperviers de Normandin. Est-ce que c'est à Normandin, c'est ça? Oui. Un seul match? Non, on joue samedi contre les Éperviers, puis dimanche contre les Marquis de Jonquière. OK. Donc, deux matchs à domicile, à l'étranger. Non, un match à domicile, puis un match à l'extérieur. OK, OK. C'est quoi l'objectif? Les Éperviers qui ont gagné leur premier match en fin de semaine. Donc, eux, j'imagine que c'est un petit peu une rivalité entre les deux formations. Là. Oui, je pense que ça va être une rivalité à mettre. C'est sûr qu'il y a seulement un match ou deux de jouer un match entre les deux équipes de jouer. On entend qu'il n'y a pas une grosse rivalité, mais je pense que c'est une rivalité là, qui va mettre dans le coup. Hey, Jason, s'il y a des blessures, c'est sûr qu'à 20-21 ans, c'est pas pareil comme quand tu étais bantam. Est-ce que vous avez des joueurs affiliés? C'est-tu junior? Comment ça marche? Oui. J'ai des joueurs affiliés qui arrivent, qui jouent junior A et midget 2B. J'ai Guillaume Turgeon qui a joué le dernier match, là, qui joue dans le midget 2B à Saint-Denis, okay. qui est joueur affilié. Comment ça, il se débrouille-tu pas pire? Ah, il est excellent. OK. Le petit Guillaume, là, il est vraiment. OK, bon. OK. Ben, Jason, on s'en reparle, quelque part, mardi prochain pour la chronique des Sables de Roberval. Voilà, l'instructeur-chef des Sables de Roberval, Jason Lajeunesse.